Et des ambassadeurs de Chibougamau, les ambassadeurs qui étaient de retour en action au cours du week-end, après une semaine de congé, trois défaites encore une fois. On en parle avec l'instructeur-chef Michael Gaudreau. Salut Michael. Oui, salut. Michael, trois défaites. D'abord, est-ce que ça avait été quand même bénéfique au début de l'année cette semaine de congé-là? Est-ce que ça a été quand même positif dans l'ensemble? Ben oui, parce que là, c'est notre dernier voyage sur la route là, de l'année. OK. Donc, on a joué beaucoup de matchs, très peu de pratiques. Mes joueurs connaissent pas le système. Ben là, ils connaissent, mais ils connaissaient pas. Ça a été long à montrer. Parce que c'est tout des nouveaux. Donc, peu de pratiques, beaucoup de matchs. Là, c'était pas un bon horaire pour nous autres là, cette année. T'es en train de nous dire qu'il n'y aura plus de matchs à l'étranger cette année? Ben non, c'est ça. Nous autres, tous nos matchs sont joués. Là. On nous rassigne des matchs à la maison puis deux tournois. Pourquoi? Y a-t-il des rénovations à Chibougamau, quoi? Ouais, ben il m'avait eu les deux premières semaines. Notre aréna n'était pas prête. OK. Donc, c'est sûr qu'on a commencé sur la route les deux premières semaines. Après ça, notre aréna était prête, mais je sais pas. C'est l'horaire qui c'est la ligue qui en a décidé ici. Je peux t'assurer que ça ne marchera pas demain l'année prochaine. Il va falloir qu'on ait des ententes de prix parce que ça n'a pas de déjà, temps. Vous êtes désavantagé. Ouais. En tout cas, c'est pas. OK. Donc, on va y aller avec ces matchs-là. Il y a eu une défaite de 11 à 2 dans ces trois matchs-là. Ouais. Ben là, c'est ça. Nous autres, c'était notre troisième game en 24 heures. Ouais. On avait subi deux revers à 4 heures. Auparavant contre Saint-Félicien d'Olbeau. Là, on était un peu cogné de ça. Là, on rentre contre Chicoutimi. Puis en passant, il n'y avait pas une game de jouer eux autres dans la fin de semaine. Ouais. On est rendu samedi soir. On a trois games c'est notre troisième match en 24 heures. Eux, ils n'ont pas encore joué de la fin de semaine. Fait que c'est tout le temps ça qui arrive. La Ligue au début était supposée de faire. Nous autres, quand on monte pour trois matchs, je le comprends. On arrête à Saint-Félicien-d'Olbeau pour jouer notre premier match le vendredi. C'est parfait pour nous autres, ça nous aide. Mais après, là, faut nous mettre un programme double. Mm-hmm. Faut que ça soit un peu équilibré parce qu'on joue tout le temps contre une équipe qui n'a jamais joué de la fin de semaine, puis le troisième match en 24 heures. C'est quand même une jette de non, ça marche pas, c'est sûr. Puis que ça, il y a des représentations faites auprès de Marcel Maltais, j'imagine. Qu'est-ce qu'il en dit, Marcel? Ben là c'est ça, là. Moi on est en train de monter un petit quelque chose là, avec notre organisation, notre président, puis ça va être notre président qui va aller mentionner ça à la Ligue. Ça c'est sûr que ça tient même pas de sens 11 à 2. Déjà, vous avez pas un gros bassin de joueurs, vous avez pas on connaît les problèmes que vous avez à Chibougamau, donc déjà d'arriver avec ça, ben en tout cas. Et dans l'autre match, défaite de 7 à 4 ici contre les Castors, qui, écoute, c'est les deux puissances de la Ligue, les Castors et le Marco Spa. Ouais, c'est ça, le Castor, ça a été une guerre de tranchées pendant tout le match. Là, on s'est changé les buts, ça a été égal pendant tout le match. C'était 5-4, c'était 5-4 longtemps, puis on s'est fait compter 6-4. Après ça, 7-4 d'un filet désert, mais c'était vraiment un bon match, là, c'était le fun. C'est toujours le fun, je contre des équipes de même, contre Delbeau. Ben, moi, j'aime ça, là. C'est des matchs intenses, c'est des équipes bien dirigées, c'est des équipes qui ont un bon système de jeu, et qu'on est capable de jouer notre système contre le système, tu sais, c'est compatible, là, puis c'est vraiment le fun de jouer des matchs comme ça. Si on y allait maintenant avec contre Saint-Félicien, il y avait également des matchs contre le Marco Spam. Le fameux match, il y a eu une panne d'électricité, c'est ça te rend compte, ça, c'est ça? Oui, c'est ça. On a commencé avec ce match-là, on se fait 3-1. Ouais. Il restait 7 minutes. Fait que là, on a joué cette 7 minutes-là. On a fait compter 2 buts dans cette 7 minutes-là, ça fait que ça a fait 5-1. Après ça, on a joué notre match régulier. Encore là, ça a été une défaite crève-cœur parce qu'on s'avait préparé beaucoup les deux dernières semaines contre ce match-là. Moi, j'en faisais un défi personnel. Donc, ça a été 1-0, ça a été 1-1. Il restait 4 minutes, c'était 1-1, il restait 4 minutes. Puis, ils ont compté 2-1, puis après ça, 3-1, un filet laser. Et je suis fier de mes... fier de mes choix là, pour cette performance. OK. Donc, au cours de la semaine de congé, j'imagine qu'il y a eu des pratiques. On a focusé sur les plans de match et ainsi de suite. Tu disais en début d'entrevue qu'il n'y avait pas eu très peu de pratiques. Donc là, j'imagine qu'on a profité pour avoir des pratiques. Ouais, mais là, c'est ça. C'était notre première fin de semaine, là, qu'on pourrait dire qu'en deux matchs, on avait quatre pratiques. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas pu faire ça. On est arrivé presque, les Philippines, là, mais même s'il nous manquait notre deuxième défenseur, notre deuxième attaquant de puissance, il nous manquait ça en plus. Mais on avait quand même, les gars étaient quand même mindés puis prêts pour ce match-là, puis ça a paru. Fait que je pense que mec qu'on soit l'alignement complet puis qu'on ait des pratiques de fait, on va être capable de rivaliser avec pas mal toutes les équipes. Okay. Dans cette ligue-là. Donc Michael, en fin de semaine d'autres matchs, j'imagine, à Chibougamau, ce coup-là? Non, en fin de semaine, on est en tournoi à Rouyn-Noranda. Ah, OK. Notre premier tournoi de l'année. Après ça, on va avoir deux autres fins de semaine avant Noël à la maison. Puis après ça, ça va être un bon congé. Rouyn-Noranda, Chibougamau, c'est quoi? C'est 6 heures? Oui, exactement. C'est incroyable le territoire que vous avez. C'est comme nous autres à la Montréal. C'est à peu près la même, c'est l'équivalent. Oui. Ben, c'est ça. Puis c'est ça. Puis avant, on voyageait là toutes les fins de semaine. Oui, ouais. C'est pour ça que Baie-Comeau puis Delisle, pas Delisle, mais Baie-Comeau puis Sept-Îles, eux autres, il n'y a rien là à venir ici. Là, c'est quand même assez spécial. Donc, Miguel, on se reparle la semaine prochaine pour parler du tournoi. Oui, c'est bon, Dan. L'instructeur-chef des ambassadeurs de Chibougamau, Michael Godreau.